Chapitre 2e. Le pesant landau de M. de Riencourt s'avançait si lentement que lorsqu'il arriva au commencement du cours La Reine, un piéton, qui suivait le même chemin que la voiture, put marcher parallèlement à elle. Ce piéton, pauvrement vêtu, ne semblait pourtant pas fort ingambe. Il s'appuyait péniblement sur une canne. Sa longue barbe était blanche comme ses cheveux et ses sourcils épais, tandis que la couleur fortement bistrée de sa figure ridée, creusée par l'âge, lui donnait l'apparence d'un vieux mulâtre. Il marcha donc parallèlement au landau de M. de Riencourt jusque vers le milieu du cours La Reine. Là, le landau fut obligé de prendre, comme on dit, la file des voitures qui se dirigeaient vers l'hôtel Saint-Ramon. Le vieux mulâtre, devançant alors la voiture de M. de Riencourt, continua son chemin jusqu'à l'entrée d'une avenue étincelante de verre de couleur et qu'une longue suite de voitures encombrait dans toute sa longueur. Quoique le vieux mulâtre parut profondément absorbé, il ne put s'empêcher de remarquer auprès de la grille qui servait d'entrée à cette allée éblouissante de lumière un assez grand rassemblement. Alors il s'arrêta et s'adressant à l'un des curieux. « Monsieur, pourriez-vous me dire ce que l'on regarde là ?»« On regarde les voitures qui se rendent à l'ouverture du fameux hôtel Saint-Ramon, » répondit le curieux. « Saint-Ramon, » reprit le vieillard d'un air surpris et comme se parlant à lui-même, « cela est étrange. » Et il ajouta, « Qu'est-ce que c'est que l'hôtel Saint-Ramon, monsieur ?»« Ma foi, on dit que c'est au moins la 8e merveille du monde. Voilà près de 5 ans qu'on y travaille. On dit que c'est aujourd'hui que l'on y pend la crémaillère. »« Et à qui appartient cet hôtel, monsieur ?»« Un jeune homme riche à millions qui, dit-on, a fait là-dedans des folies. »« Et quel est le nom de ce millionnaire ?»« Je crois que c'est Saint-Arem ou Saint-Erem. » »« Plus de doute, » murmura le vieillard. Mais alors pourquoi donner à cet hôtel le nom de Saint-Ramon ? Et il parut de nouveau s'absorber dans de tristes pensées. Il en fut distrait par le curieux auquel il s'était d'abord adressé et qui dit « Voilà par exemple quelque chose de bien singulier. »« Quoi donc, monsieur ? » reprit le vieux mulâtre avec distraction. « Qu'est-ce qui vous paraît singulier ? » ?»« Un marquis millionnaire, ça ne devrait connaître que des gens à équipage. Et voyez, à pas ou 3 ou 4 voitures bourgeoises, la file n'est composée que de fiacres et de cabriolets Milord. En effet, c'est fort singulier, répondit le vieillard, et après un silence d'un instant, il reprit. Auriez-vous la bonté de me dire quelle heure il est, monsieur ? 10h30 viennent de sonner. Merci, monsieur, répondit le vieux mulâtre en se rapprochant de la grille. 10h30, se dit-il, je ne dois être à Chaillot qu'à minuit. J'ai le temps de tâcher de découvrir ce mystère. Combien cette rencontre est étrange, mon Dieu ! Et après une légère hésitation, le vieillard passa le seuil de la grille, se glissa dans l'obscurité d'une contre-allée d'ormes séculaires qui longeait l'avenue principale, s'achemina vers l'hôtel, et malgré sa préoccupation, il ne put s'empêcher de remarquer l'immense quantité de fleurs qui s'étageaient en gradins de chaque côté de l'allée du milieu et dont les 1000 nuances étaient vivement éclairées par une incroyable profusion d'ifs, de girandoles et de vases simulés en verre de couleur. Cette avenue d'un aspect féerique aboutissait à un vaste hémicycle pareillement illuminé, au-delà duquel s'élevait l'hôtel Saint-Ramon, véritable palais qui, par la richesse à la fois grandiose et charmante de son architecture, rappelait le plus beau temps de la Renaissance. Le vieillard traversa l'hémicycle et arriva au pied d'un immense perron conduisant au péristyle. À travers les portes de glace qui fermaient cette espèce d'antichambre dans sa longueur, il aperçut une aide de grands valets de pied, poudrés, vêtus de magnifiques livrées. De minute en minute, les fiacres s'arrêtaient au bas du péristyle et y déposaient des hommes, des femmes, des jeunes filles, dont la mise, extrêmement simple, semblait en complet désaccord avec les splendeurs de ce palais magique. Le vieux mulâtre, poussé par une invincible curiosité, suivit plusieurs de ses nouveaux venus, et ainsi confondu parmi les invités, il arriva comme eux jusque sous le péristyle. Là, deux grands Suisses, portant la hallebarde et le baudrier aux couleurs délivrées, ouvraient à tous les survenants les deux vantaux d'une immense porte en glace, et à chacune de ses entrées, ces Suisses faisaient résonner les dalles de marbre sous les coups répétés de la crosse de leur hallebarde. Toujours confondu avec les groupes d'invités, le vieillard traversa une double haie de valets de pied à livrée bleu clair, galonnée d'argent sur toutes les coutures, droit, impassible comme des soldats en bataille, et arriva dans le salon d'attente. Là se tenaient les valets de chambre et les maîtres d'hôtel. habit bleu clair à la française, liséré de blanc, culotte de soie noire et bas de soie blanc. Telle était la tenue de ces gens d'office, et tous, ainsi que les gens de livrée, témoignaient de leur déférence respectueuse pour les invités, dont la mise modeste semblait au vieillard si discordante avec le luxe princier de la demeure où ils étaient reçus. De ce salon, il passa dans une galerie de musique destinée aux concerts. Elle aboutissait à un immense salon circulaire à vaste coupole, formant pour ainsi dire le rond-point de trois autres galeries, dont l'une servait de salle de bal, l'autre de salle de souper et la dernière de salle de jeu. Ces quatre galeries, en y comprenant la salle de concert, communiquaient entre elles par de larges allées, pavées de riches mosaïques plantées d'arbres exotiques et recouvertes d'un dôme vitré comme un jardin d'hiver. Il faut renoncer à décrire la splendeur, l'élégance, la noblesse grandiose et le somptueux ameublement de ces vastes pièces, étincelantes de peintures et de dorures, éblouissantes de lumière, de cristaux et de fleurs, répétées à l'infini par des glaces énormes. Nous insisterons seulement sur une magnificence rare de nos jours et qui donnait à cette demeure un caractère monumental royal. Le salon et les quatre galeries étaient, selon la destination de chaque pièce, ornés de peintures et de sculptures allégoriques qu'eussent fait le renom des plus beaux palais connus. Les plus illustres artistes de ce temps-ci avaient concouru à cette œuvre superbe. Le pinceau magistral d'Ingres, de Delacroix, de Schaeffer, de Paul Delaroche illustrait cet hôtel, et des noms moins célèbres alors, mais qui appartenaient à l'avenir, tels que Couture, Jérôme, etc., avaient été devinés dans leur gloire future par l'opulent et intelligent créateur de ce palais. Mentionnons seulement, en parlant d'objets d'art, un buffet dressé dans la galerie destinée au souper. Sur ce buffet, l'on voyait une merveilleuse argenterie dont les grandes pièces eussent été dignes du siècle de Benvenuto. Candélabres, aiguières, bassins à glace, coupes à fruits, corbeilles à fleurs, surtout, girandoles, tout était admirable et aurait fait l'ornement d'un musée par la rare pureté de la forme et par le fini précieux des moindres ciselures. Un mot encore à propos d'une assez bizarre particularité du grand salon circulaire. Au-dessus d'une gigantesque cheminée de marbre blanc, véritable monument dû au mal génie de David, d'Angers, notre Michel-Ange, des figures allégoriques en ronde bosse, représentant les arts et l'industrie, soutenaient un large cadre ovale et doré incrusté dans l'entablement de la cheminée. Ce cadre contenait une peinture que l'on aurait pu attribuer à Velasquez. C'était le portrait d'un homme pâle, à la figure rude et austère, aux joues creuses, aux orbites profondes, au front dégarni. Une sorte de robe brune, tenant le milieu entre la robe de chambre et la robe de moine, donnait à cette figure l'imposant caractère de ces portraits de saints ou de martyrs si nombreux dans l'école espagnole. Apparence complétée d'ailleurs par une auréole d'or qui, étincelant sur le fond sombre de la toile, semblait jeter ses reflets sur cette figure austère et pensive. Enfin, on lisait ces mots tracés en lettres gothiques dans un cartouche formé par les rinceaux de la bordure, Saint Ramon. Le vieux mulâtre, ayant suivi le flot de la foule, arriva en face de cette cheminée. À la vue du portrait, il resta frappé de stupeur. Son émotion fut si vive qu'une larme brilla dans ses yeux et il ne put s'empêcher de murmurer tout bas. Pauvre ami, c'est lui, c'est bien lui. Puis il se dit, mais pourquoi ce mot saint ajouté à son nom? Pourquoi cette auréole d'or autour de son front? Pourquoi cette apparence mystique? Et puis enfin, quel fait étrange! Vêtu pauvrement comme je le suis, inconnu du maître de la maison, on m'a laissé entrer ici. À ce moment, un maître d'hôtel, porteur d'un plateau de vermeil chargé de glace et de fruits confits, s'arrêta devant le vieillard et lui offrit respectueusement des rafraîchissements qu'il refusa. Il cherchait, mais en vain, à deviner quelle pouvait être la condition des invités qui l'entouraient. Les hommes, presque tous modestement mais proprement vêtus, ceux-ci d'habits, ceux-là de redingotes, d'autres de blouses neuves, avaient un maintien discret, réservé, parlaient bas entre eux, semblaient ravis d'assister à cette fête. Et cependant, loin de paraître émerveillés des richesses accumulées dans ce palais, on eût dit qu'ils se trouvaient là fort à l'aise et, comme on dit vulgairement, en pays de connaissance. Les femmes et les jeunes filles, dont un grand nombre étaient fort jolies, avaient l'air plus dépaysées. Timides et pleines de modestie, elles admiraient ingénument ses splendeurs, échangeant à voix basse leurs observations. Les jeunes filles, toutes coiffées en cheveux, portaient généralement des robes blanches d'une étoffe peu coûteuse, mais éblouissante de fraîcheur. Le vieillard, de plus en plus désireux de pénétrer ce mystère singulier, s'approcha d'un groupe de plusieurs personnes, hommes et femmes, qui, arrêtés devant la grande cheminée de marbre, s'entretenaient à demi-voix en contemplant le portrait de saint Ramon. Telle était une des conversations que le vieux mulâtre écoutait avec un intérêt croissant. « Vois-tu ce portrait-là, ma petite Juliette ?» disait à sa jeune femme un homme de robuste stature et d'une figure avenante et ouverte. « Ce digne homme a fièrement raison de s'appeler saint Ramon, va. Il y a au paradis des saints qui auprès de lui ne sont que des flâneurs, si l'on en juge par le bien qu'il a fait. Comment donc cela, Michel ? Dame, grâce à ce brave saint-là, pendant près de 5 ans, moi, comme les autres camarades qui sont là, j'ai eu de l'ouvrage ici, ouvrage crânement payé, je m'en vante, parce que c'était du soigné, et que le bourgeois d'ici voulait que tout le monde fût content. Ce bonheur-là, ma petite Juliette, moi et les amis, nous l'avons dû à ce brave homme dont voilà le portrait. À M. saint Ramon, enfin. Grâce à lui, pendant tout ce temps-là, je n'ai pas eu un moment de chômage et mon salaire a été assez fort pour que nous ayons pu bien vivre, nous et nos enfants, et mettre quelque chose à la caisse d'épargne. Mais, Michel, ce n'est pourtant pas ce digne monsieur dont voilà le portrait qui a commandé et si bien payé les travaux. C'est ce M. Saint-Hérem qui a l'air si gai, si bon, si peu fier, et qui, en entrant tout à l'heure, nous a dit des choses bien avenantes. « Sans doute, ma petite Juliette, c'est M. Saint-Hérem qui a commandé les travaux. Mais comme il nous le disait toujours en venant nous voir à la besogne, « Mes enfants, sans les richesses que j'ai héritées, je ne pourrais vous donner des travaux et vous payer largement comme de braves et intelligents ouvriers. Gardez donc toute votre reconnaissance pour la mémoire de celui-là seul qui m'a laissé tant d'argent. Il a fait, lui, la chose la plus rude. » Il a thésaurisé sou sur sou en se privant de tout, tandis que moi, mes enfants, je n'ai que le plaisir de dépenser grandement ses trésors. Dépenser, c'est mon devoir. À quoi bon la richesse, sinon pour la prodiguer? Gardez donc le souvenir du bon vieil avare. Bénissez son avarice. Elle nous donne, à moi, la jouissance de vous faire travailler à de belles et grandes choses, à vous, de larges salaires, bravement gagnés. C'est égal, vois-tu, Michel? S'il faut rendre grâce à ce digne avare, il ne faut pas oublier non plus M. Saint-Hérem. Tant de gens riches ne dépensent rien, ou s'ils nous occupent, combien ils lésinent sur le prix de notre travail, qu'il nous faut encore souvent attendre longtemps. Pardieu, je suis de ton avis, ma petite Juliette. Vaut mieux avoir 2 personnes à aimer qu'une seule, et la part de cœur que nous ferons à ce bon saint Ramon ne reniera pas celle de M. Saint-Hérem. Brave jeune homme, on peut dire que c'est une fameuse paire d'hommes que lui et son oncle. Le vieux mulâtre avait écouté cet entretien avec autant d'intérêt que d'étonnement. Il prêta l'oreille à d'autres conversations. Dans tous les groupes, il entendit un concert de louanges et de bénédictions en faveur de saint Ramon, le digne avare. Partout aussi, l'on vantait le noble cœur, la libéralité de M. de Saint-Hérem. « Est-ce un rêve ?» se disait le vieillard. « Qui pourrait jamais croire que ces éloges, ces respects s'adressent à la mémoire d'un avare ?» Mémoire ordinairement honnie, vilipendie, exécrée. Et c'est un dissipateur, un prodigue, l'héritier de cet avare qui le réhabilite ainsi. Encore une fois, est-ce un rêve? Puis, par quelle autre bizarrerie ces artisans sont-ils conviés à cette fête d'inauguration? Les étonnements du vieillard, loin de cesser, augmentèrent encore en remarquant un contraste assez singulier. Parfois, quelques hommes, portant plusieurs décorations à leur boutonnière, émis avec recherche, traversaient les salons, donnant le bras à des femmes remarquables par leur élégance. Mais cette classe d'invités était très peu nombreuse. Florestan de Saint-Hérem, plus beau, plus gai, plus brillant que jamais, semblait s'épanouir au milieu de cette atmosphère de luxe et de splendeur. Il faisait à merveille les honneurs de cette fête, accueillant ses invités avec une bonne grâce, une courtoisie parfaite. En maître de maison qui sait vivre, il s'était placé à l'extrémité de la galerie à laquelle aboutissait le salon d'attente, et il n'entrait pas une femme ou une jeune fille à laquelle il n'adressa quelques paroles empreintes de cette affabilité gracieuse et cordiale qui, par sa sincérité, charme et met à l'aise les plus timides. Florestan de Saint-Hérem accomplissait ainsi les devoirs de la plus aimable hospitalité, lorsqu'il vit entrer dans le premier salon la comtesse Domaloff, la princesse Vileska et le duc de Riencourt.